Deuxième livre des Chroniques, chapitre 25. Amatsia commença à régner étant âgé de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jéhoadam, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, mais non pas d'un cœur parfait. Or il arriva qu'après qu'il fut affermi dans son royaume, il fit mourir ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit point mourir leurs enfants, selon ce qui est écrit dans la loi, au livre de Moïse, dans lequel l'Éternel a commandé, en disant, « Les pères ne mourront point pour les enfants, et les enfants ne mourront point pour les pères, mais chacun mourra pour son péché. » Puis Amatsia assembla ceux de Juda, et les établit selon les familles des pères, selon les capitaines de milliers et de centaines, partout Juda et Benjamin, et il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, et il s'en trouva 300 000 d'élite, marchant en bataille, et portant la javeline et le bouclier. Il prit aussi à sa solde 100 000 hommes forts et vaillants de ceux d'Israël, pour 100 talents d'argent. Mais un homme de Dieu vint à lui, et lui dit, « Ô roi, que l'armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est point avec Israël, ils sont tous enfants d'Éphraïm. Sinon, va, fais, fortifie-toi pour la bataille, mais Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a la puissance d'aider et de faire tomber. » Et Amatsia répondit à l'homme de Dieu, « Mais que deviendront les 100 talents, que j'ai donnés aux troupes d'Israël ?» Et l'homme de Dieu dit, « L'Éternel en a pourtant donné beaucoup plus. » Ainsi Amatsia sépara les troupes qui lui étaient venues d'Éphraïm, afin qu'elles retournassent en leur lieu, et leur colère s'enflamma fort contre Juda, et ils s'en retournèrent en leur lieu avec une grande ardeur de colère. Alors Amatsia ayant pris courage conduisit son peuple, et s'en alla en la vallée du Sel, où il bâtit 10 000 hommes des enfants de Séir. Et les enfants de Juda prirent 10 000 hommes vifs, et les ayant amenés sur le sommet d'une roche, ils les jetèrent du haut de la roche, de sorte qu'ils moururent tous. Mais les troupes qu'Amatsia avait renvoyées, afin qu'elles ne vinssent point avec lui à la guerre, se jetèrent sur les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bétoron, et tuèrent 3 000 hommes, et emportèrent un gros butin. Or il arriva qu'Amatsia étant revenu de la défaite des Iduméens, et ayant apporté les dieux des enfants de Séir, il se les établit pour Dieu, il se prosterna devant eux, et leur fit des encensements. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux d'un peuple qui n'ont point délivré leur peuple de ta main ?» Et comme il parlait au roi, le roi lui dit, « T'as-t-on établi conseiller du roi, arrête-toi, pourquoi te ferais-tu tuer ?» Et le prophète s'arrêta, et lui dit, « Je sais très bien que Dieu a délibéré de te détruire, parce que tu as fait cela, et que tu n'as point obéi à mon conseil. » Et Amatsia roi de Juda, ayant tenu conseil, envoya vers Joa fils de Jéhoachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens, et que nous nous voyons l'un l'autre. » Et Joa roi d'Israël envoya dire à Amatsia roi de Juda, l'épine qui est au Liban a envoyé dire au cèdre qui est au Liban, donne ta fille pour femme à mon fils, mais les bêtes sauvages qui sont au Liban, ont passé, et ont foulé l'épine. Tu as dit, voici, j'ai battu Édom, et ton cœur s'est élevé pour en tirer vanité. Demeure maintenant dans ta maison, pourquoi t'engagerais-tu dans un mal dans lequel tu tomberais, toi et Juda avec toi? Mais Amatsia ne l'écouta point, car cela venait de Dieu, afin de les livrer entre les mains de Joa, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Ainsi Joa roi d'Israël monta, et ils se virent l'un l'autre, lui et Amatsia roi de Juda, à Bethsem, qui est de Juda. Et Juda ayant été défait par Israël, ils s'enfuirent chacun dans leur tente. Et Joa roi d'Israël prit Amatsia roi de Juda, fils de Joa, fils de Jéhoachaz, à Bethsem, et l'amena à Jérusalem, et il fit une brèche de 400 coudées à la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm, jusqu'à la porte du coin. Ayant pris tout l'or et l'argent, et tous les vaisseaux qui furent trouvés dans la maison de Dieu sous la direction d'Obed-Édom, avec les trésors de la maison royale, et des gens pour otages, il s'en retourna à Samarie. Et Amatsia fils de Joa roi de Juda vécut 15 ans, après que Joa fils de Jéhoachaz roi d'Israël fut mort. Le reste des faits d'Amatsia, tant les premiers que les derniers, voilà, n'est-il pas écrit au livre des rois de Juda et d'Israël? Or depuis le temps qu'Amatsia se fut détourné de l'Éternel, On fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachie, mais on envoya après lui à Lachie, et on le tua là. Et on la porta sur des chevaux, et on l'ensevelit avec ses pères dans la ville de Juda.